parole, j'ai fait le tour. Certains trucs. Faudrait qu'on passe à un autre truc. J'suis pas patient donc j'écris vite. Mais les fans. Et les fleurs fans, ils visent leur fac. Et vice versa. C'est pas ma spéciale, mais quand c'est la nuit nightmare, quand c'est la vie d'un tel, j'en ai rempli ma tête. Mais c'est comme ça, j'évite plein de cas. Spiritisme à deux balles et les rappeurs sataniques sont des rockstars. T'as une sale image du rap, vélo, j'espère t'es endurant. Raison quand t'es si par rapport à les ninas, si t'as en parure bien, allez viens, pas si t'es minette, c'est que si t'es le joue à la dinette, faut pas s'étonner d'être pas avec nous. Tu vas picorer les bars quand on bouffe, peur. Stop. J'te dis stop plus, je la patte plus, c'est une tate plus. Sacrément riche et c'est là comme John Apote plus. Dolman une clap plus, j'roule un boss plus. J'roule un boss là, fausse là j'veux le tacos ya. J'joule la gauche, son foie ni loi ni que la gauche ya. C'est dommage le petit du gars, j'ai niqué ton go ya. Et tu veux pop, tu veux une dot, un nouveau mec, une nouvelle schneck. Sacrément riche, c'est là comme Michael Newman. Nouveau matos, nouveau matelas, nouveau tapis, de lait dans la poche. T'es pas des nôtres, gros, va là-bas voir si Jésus ou Kétarem. J'aime trop mon clan, reste ensemble jusqu'à la mort comme les Beatles. T'internet, petite pétasse, rentre dedans, faut pas que t'es rep. J'me rappelle, maternelle, déjà on m'appelait la terreur. Wesh, Bélo, je vis là, ça m'a fané l'Othello. Ça parle Merco de gel, la main pas assez pour un vélo. Roule un gros de méga, histoire bien reconnaître la mélo. Où sont les lots, où sont les schlags, j'vois la mort pour les lots. Où sont les lots, où sont les schlags.